je sucre des fraises. J'ai la feuille de vigne embrasée. Je me lève, je pèse mon pèse. Rue Saint-Denis, y a bon baiser. Pas besoin d'être une sorcière pour avoir un manche à balai. J'en ai un qui me dit « Poussière, tu iras où je veux aller. » Il me nargue, il me tarabuste, m'enfournant dans ses réacteurs. Ce relatif petit arbuste s'enracine au fond de mon cœur. Que désigne-t-il cet index pointé toujours vers l'azimut? Comme si le ciel avait un sexe, comme si Dieu même était en route. Alors à minuit, moi je mange de la femme avec mon bec tendu. Oui, j'en mange comme on se venge d'être un ange trop mal foutu. D'avoir là sous cette ceinture. Ah non, ça n'est pas élégant. D'avoir là qui dure, ce doigt borgne obsédé de gang. À minuit, je mange de l'homme. C'est mon métier, c'est mon destin. C'est comme du sucre de pomme. C'est mon sentier, c'est mon festin. À minuit, je mange du jouine et du vieil et de l'entre-douce. Je suis une groigne, une fouine. Je les mangerai tous. À minuit, je mange mon fils et mon père et le chancelier. Le sang tout blanc du maléfice afin de se multiplier. Les hommes naissent sur les berges du Val des Morts, dans tous les choux rouges, dans le genou des vierges, comme du blé, comme des fous. Alors à minuit, moi je mange de l'homme, je croque grand dedans, je bouffe le ruban orange et les souvenirs obsédants. Je mange la tête et le foie, le jeu, le crime, le devoir. J'ouvre bien ma gueule qu'on voit que dedans nul ciel n'est à voir. Tu viens chérie, je viens chérie. Tu viens chérie, je viens chérie. Tu viens chérie, oh je viens chérie. Tu viens chérie, je viens chérie. Tu viens chérie, je viens chérie. Tu viens chérie, je viens chérie. Chérie, chérie, chérie.